On va parler avec notre ami Marc Diquet de Radio X Saguenay. Salut Marc. Salut Danny. Marc, je pense qu'on va avoir le peu orange, le même peu orange. On n'a pas le choix, là. Écoute, quelle belle semaine de tennis qu'on a eue. Là, il y a Raonic qui va jouer en demi-finale aujourd'hui. Je pense que son adversaire est très prenable. Donc, il y a des grosses chances de se ramasser en finale. Mais Bianca Andreescu, on en a parlé. Au début de l'année. On disait que c'était une belle... on y avait donné un prix orange. Mais là, écoute, c'est incroyable ce qu'elle a fait cette semaine. Là. Elle est vraiment en train de se démarquer sur la planète. On est en train de la découvrir sur la planète tennis. Là. Ben écoute, moi, Bianca Andreescu, ça fait peut-être un an et demi, deux ans qu'on en entend parler à cause que, bon, elle vient à vidéo au tournoi de tennis là, qui se passe dans la région. Puis on sait que c'est un bel espoir, Bianca Andreescu, là. Mais tu sais, souvent, on envoie des espoirs, puis ça va pas plus loin. C'est, malheureusement, ça stagne un peu dans le top 200, dans le top 125. Françoise Abanda a l'air d'être partie pour ça pas mal, là. Ben oui, puis que dire d'Eugénie, tu sais. Ouais. Mais non, Bianca Andreescu qui donne du beau tennis, tu l'as dit tantôt, qui progresse de façon assez exceptionnelle, là. Puis c'est pas... Elle a pas été chanceuse une fois, parce que je pense que dans le tennis, tu peux bien performer, être chanceux dans un tournoi ou deux, tu sais. Mm. Mais là, c'est continu, ses performances. Puis faut pas oublier une chose, là. Rapporte-toi au tournoi de tennis, là. C'est comme une mini-coupe Stanley, là. C'est une longue série, puis c'est long. C'est pas pour rapporter au tournoi, là. Tu sais, la minute que t'as une mauvaise performance, au moins de moment. Tu peux pas t'en prendre le lendemain, c'est terminé. Là. C'est comme le March Madness au basket. Je ne sais pas si tu es un amateur du March Madness, c'est à peu près pareil. Ben, ça peut ressembler à ça, effectivement, tu as raison. Oui, effectivement. Donc, mauvaise performance est terminée, mais. Écoute, moi, ce que je retiens de Bianca Andreescu, là, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, mais j'avais Caroline Delisle en entrevue hier, puis j'ai fait une entrevue que Jeanne Lapierre, que je vais diffuser la semaine prochaine. Puis ça semble d'une fille qui semble à sa place, qui fait ce qu'elle a à faire, qui ne cherche pas nécessairement les réflecteurs. Petit tempérament tranquille, compartiment Eugénie, mais est-ce que ça ressemble pas mal à ça, t'es-tu d'accord avec moi? Ben, écoute, tu sais, ceux qui cherchent le vedettariat sont pas si nombreux que ça, là. Regarde Raonic. Ouais. Raonic, là, il est pas flamboyant. Chapovalov un peu plus, parce qu'il a une personnalité peut-être plus explosive un peu. Mais c'est pas choquant, ça, Chapovalov, ça... Non, je ne sais pas. Non, mais tu sais, je veux dire, Eugénie Bouchard, là, qu'elle fasse l'Instagram comme elle veut, ouais. Ça me dérange pas. Mais performe. Ouais. Tu sais, performe un peu. Là, Eugénie Bouchard, écoute, on va en revenir de Wimbledon une matinée, là. Je veux dire, c'est tout, là. C'est, des fois, tu te dis, bon, elle est bien partie, elle a gagné un match ou deux dans un tournoi, puis écoute, elle bat pas des gros noms, puis non. C'est. Tu sais, au début, moi, je défendais, j'ai gardé, laissez-y le temps, jeune, laissez-y le temps. Mais là, moi, après 3 ans, là, maintenant, je vais bon, c'est là. Je veux dire, on va se concentrer sur Andreescu puis sur, tu sais, je veux dire, Eugénie. Moi, j'ai rien contre ses publications Instagram. Puis ça va être mannequin. Ben, deviens là. Lâche le tennis. Ça, je veux dire, c'est. Est-ce que ça peut avoir un impact positif sur Eugénie? Dans le sens que, on va, tu sais, Eugénie, elle a quand même été la. La personne qui est avec Raonic, qui a quand même, on va se le dire, là, peu importe ce qu'on dira, là, mais depuis 2-3 ans, qui transporte le tennis au Canada, qui fait que le tennis au Canada, moi je la suis, ce que je demande à Eugénie, c'est que, pas nécessairement qu'elle soit comme en 2014, c'est pas ça qu'on veut, moi c'est pas ça que je veux, qu'elle a le potentiel pour être top 25 à peu près, là, tu sais, ça veut dire, puis elle est loin de ça, là. Ça peut être meilleur que ce qu'elle est, ça je pense aussi, mais écoute, elle change de coach régulièrement. Ouais. Il n'y a pas une grande stabilité. Puis tu sais, je veux dire, quand tu nous as. Surtout les Québécois sont durs. Hey, les Québécois, là, oubliez jamais une chose, là. Ils ont déféqué sur Jacques Villeneuve, qui a quand même gagné le championnat des conducteurs de la Formule 1, là. Ouais. Rendu là, Eugénie, elle va manger ça dur, puis je pense pas qu'Andreescu a inspiré Eugénie Bouchard. Eugénie Bouchard, d'après moi, est dans son monde, là. Ouais. Puis, tu sais, excuse, ça va être vulgaire un peu, là, mais je pense qu'Eugénie, tout ce qu'il y a de critique envers elle, tout ce qui se passe de tennis, là, comme les performances d'Andreescu et tout qui est possible, moi, je pense qu'elle s'en crisse. Excuse, là. Mm. Mais je pense qu'elle, regarde, elle fait son affaire, puis c'est... Oui, ça a été une bonne ambassadrice sur un certain laps de données de tennis au Canada. Mais ça. Moi, je pense vraiment, tu sais, je pourrais dire qu'elle s'en fout, mais c'est pas assez fort comme mot, là. Moi, j'ai l'impression que ça y passe 100 000 pieds au-dessus de la tête, puis elle fait ce qu'elle a à faire, puis elle est heureuse là-dedans, puis tant mieux. Mais demandez-moi pas à moi dans le sport de dire, waouh, j'ai des bouchards, puis croyant encore, puis Moi, j'aimerais. Désolé. Mais tu sais, ça devient. Tu sais, c'est pas nécessairement de fesser sur Eugénie, là. C'est tout simplement, Mané, ça devient. Ça devenait difficile à. Ça devenait difficile à défendre. Ça devenait. Hein? Tu sais, non, puis c'est. Non, c'est, je me souviens là, les comparaisons avec, bon, j'oublie son nom, la joueuse russe là, des Anna années 2000. Komnikova. Ouais, c'est ça. Le monde la comparait. Je trouvais ça chiant au début, mais là, je suis obligé de dire que on est peut-être rendu là. Ouais, non. Puis, tu sais, moi, ce que j'espère, c'est que. J'espère, j'ai hâte de voir l'impact que ça aura sur Eugénie. Parce que, tu sais, je veux dire, là les projecteurs vont être sur Endesco à partir de bientôt. Oh, non, ça n'aura pas d'impact, Danny. Je te garantis, ça n'aura pas d'impact, okay. Malheureusement. OK. Puis, Félix Auger-Aliassime aussi, qui a battu Petit Pas aussi. Quand je te dis une belle semaine de tennis, là, hein? Vraiment, vraiment. C'est le fun, c'est encourageant. C'est encourageant. Je pense que le tennis, ça. Je sais pas, puis, tu sais, on a l'air à. Tu sais, on arrive un peu, pas en saineux, là, mais ah, c'est bon pour le tennis, c'est bon pour l'avenir du sport, c'est bon pour. Mais oublions pas une chose, là. Depuis quoi? Depuis peut-être 10 ans, les gens parlent de tennis. Puis je pense que c'est plus dans longtemps que ça. Là. À Montréal, il n'y a pas de problème, le tournoi, on fait ses frais. Puis j'ai l'impression que le tennis, c'est vraiment rendu un sport apprécié. Bon, OK, on comparera pas au hockey, là. Mais non, c'est un sport qui pogne, moi. Puis tant mieux, ça fait différence, ça fait changement. Ouais. Puis c'est le fun à regarder. Hein. Oui, effectivement. Puis Ronny est en demi-finale aujourd'hui. Je pense que c'est très, très prenable dans son cas. Ben oui. Tu sais, une joueuse comme. je lisais les commentaires de Bianca Andreescu sur Bianca Andreescu des médias américains sur tennis.com. Puis on disait que les joueuses disaient, écoute, sa facilité dans le cas d'Andreescu, c'est comment tu dirais ça? Elle s'adapte à n'importe quelle situation. Elle est capable de revenir, elle est capable de. Puis ça, c'est elle qui s'adapte aux joueuses, c'est pas les joueuses qui s'adaptent à elle. Très différent, non? Non, la combative, c'est apprécié, ça, c'est le fun. Oui, effectivement. T'as-tu d'autres prix orange? Non, je dirais que c'est pas mal mon seul. Ben, on pourra donner des petits à gauche et à droite, mais vraiment, le plus gros, c'est lui. Là. Moi, je vais en donner un petit orange à un gardien de but. J'ai fait une entrevue que je vais diffuser la semaine prochaine. Hugo Chiasson, de l'équipe de Châteauguay. 86 arrêts dans le midget 3. Il appartient au Saguenay-Chicoutimi. Le gars, écoute, c'est tout que... Hein? C'est tout que... C'est quand même un exploit intéressant, là. Il y avait un autre record, là. Ah, en quatre périodes, ça s'est terminé en quatrième période de prolongation. Il n'a vu de la glace, il n'a vu du caoutchouc surtout. Là. Ouais. Mais effectivement, mais tu as remarqué cette année, tu me parles de ça, tu as remarqué cette année comment est-ce qu'on parle beaucoup du midget 3. Ouais. Il y a eu la série de victoires des Chevaliers, qui est incroyable. Le midget 3, cette année, a une bonne presse, je trouve. Mais surtout les Chevaliers de Lévis qui ont quand même été cotisés. Prix Citron maintenant, Marc. Ben, j'ai pas le choix d'y aller avec Jonathan Drouin du Canadien de Montréal, tu sais. Je sais qu'une équipe, c'est plus qu'un joueur. Là. On est tous conscients de ça. Mais je regarde les défaites du Canadien récemment, puis surtout la façon que Drouin se comporte. T'sais. Drouin, là, depuis quoi? Depuis un mois, il ne fait pas la différence entre une victoire et une défaite. Puis quand tu regardes le potentiel, là, je te parle de potentiel, je parle de ce qu'on voit sur la glace, là, c'est lui le joueur explosif du Canadien à l'attaque. C'est pas Gallagher, c'est pas Domi. Même si Domi a eu un excellent début de saison, puis c'est un joueur que j'adore, mais ton gros vecteur offensif, ça devrait être Jonathan Drouin. Puis ce gars-là, après une saison décevante l'an passé, a eu une saison correcte. Puis souviens-toi, je pense que c'était en février, c'était dans le week-end du Super Bowl. Il s'est mis à bien performer. Puis il y a eu un gros match contre les Jets de Winnipeg. Puis là, je me suis dit, hey, tu sais, ça va avoir été long, mais finalement, il est peut-être en train de devenir le joueur, peut-être Claude Julien, tu sais, Claude Julien, Dominique Ducharme et compagnie, peut-être qu'on est en train de lui mettre du plomb dans la tête, puis c'est peut-être là que ça s'en vient, ça va peut-être débloquer. Puis là, regarde, ça marche plus, là. Ça marche carrément plus. Est-ce qu'il est à cette dernière année à Montréal? Parce qu'il ben, y a certains médias qui disent que. Il y a certains médias qui disent que oui. Ouais, mais le problème, je veux dire, tu sais, tombe-toi pas si tu la changes, là. Tu sais, je veux dire, puis t'auras pas Marie-Monde non plus, t'auras pas un surf and turf pour lui, là, tu sais. Mais c'est pas, c'est pas son potentiel, c'est pas son tempérament, par exemple. Tu sais, il y a le talent, mais il y a le tempérament, puis je te dirais, pour avoir parlé à plusieurs dépistants, tu sais, Marc Fortier me dit souvent, Marc, il me disait, il dit, les gars, Marc qui était dépisteur, il me disait tout le temps, les gars dans la Ligue nationale, c'est pas nécessairement le talent. Ils ont tout le talent pour jouer dans la Ligue nationale. C'est l'attitude. Et tu peux, ça s'applique aussi probablement dans le cas d'une vedette et d'un joueur qui n'est pas. D'un joueur d'être une vedette et d'un joueur de ne pas être une vedette. Dans le cas de Jonathan Drouin, il y a le potentiel pour être une vedette, mais il n'y a pas l'attitude pour être une vedette. C'est autre chose, là. Ben, moi, je te dirais, tu sais, quand on dit attitude, il faut faire attention, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fin, il est pas fin dans le vestiaire et qu'il n'écoute pas le coach. Puis non, attitude de gagnant, de grandeur, un gars qui va. Un grandeur, tu sais ce que je veux dire, là. C'est ça. Puis. Avec moins de succès, il me fait penser, puis je sais qu'il y a des gens à Montréal qui ont idolâtré ce joueur-là, je n'ai jamais compris pourquoi, là, mais il me fait penser à Kovalev. Tu sais, Kovalev, là. Kovalev avait le talent pour être une vedette. Comme Stéphane Richer avait le talent pour être une grande vedette. Non, puis tu sais, Marichy, au moins, il a marqué 2 fois 52, là. Ouais, ce que Drouin ne fera jamais. Ouais. Fait que, je veux dire, c'est dans la tête que ça se passe, puis malheureusement, tu sais, il avait montré, parce que. À Tampa Bay, ils ont vu des choses, ils n'ont pas aimé certains, ils le laissaient partir. Ça, c'est sûr et certain. Mm. C'est bien beau dire, ah, mais Tampa Bay, ils ont tellement d'attaques, c'est pas grave. Ah, t'as peu, là. Oui, c'est pas grave, mais ils ont dû voir des choses certaines. Puis, écoute, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Sergachev, sa deuxième année, ouf, à Tampa Bay, ouf. Ouais, mais ça, c'est. J'ose croire que c'est la gang de la deuxième année. Les gangs de deuxième année, Danny, ouais. Là, tu remarqueras, là. Mm. Moi, ce que je remarque de ça, là, des recrues qui ont une bonne première saison puis une mauvaise deuxième, là, ça s'en va vers le bas plus souvent qu'autrement. Oh. Ça n'en vaut pas ben des. Les gains de deuxième année, c'était vrai dans les années 80, ça. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais plus, parce que moi, quand je vois un gars super formé d'une année, que j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais tu sais, je veux pas que Sergachev, honnêtement, je m'en fous, moi, que Sergachev ait une belle carrière ou pas à Tampa Bay, le point n'est pas là. Le point, c'est que ce que le Canadien a obtenu. Pis c'est très décevant. Puis l'an passé, écoute, Drouin, moi, j'étais découragé. Mais là, ça regardait bien, puis encore une fois. Puis l'échanger, c'est bien beau l'échanger. Mais trompe-toi pas, tu sais. Va pas échanger ça contre toi. Puis t'auras pas un grand joueur pour ça, là. Ben aussi. Non, t'auras pas. Non. C'est sûr et certain. Moi, j'ai un petit citron, puis un. Puis pas un citron, mais une déception, je te dirais. OK? Un citron, je le donne à Conor McGregor. Quel imbécile. Quel imbécile! Il s'est fait arrêter pour encore en Floride pour hooliganisme puis agression. Tu sais, c'est l'image du UFC, c'est l'image de la vedette, c'est l'image. Tu sais, c'est la grande vedette du UFC. Là. Puis là, il s'est fait arrêter là, avec l'histoire de l'autobus. Là. Puis ça finit plus dans le cas de Conor McGregor. Non, c'est un cas. Tu sais, c'est pas ça. Puis ce qui est choquant là-dedans, c'est que, tu sais, il y a encore du monde qui regarde ça de haut. Ouais. Le UFC puis les arts martiaux mixtes, mais ouais. C'est un sport de bombe, puis c'est un sport de bombe, tu sais. T'as un Georges Saint-Pierre qui arrive, puis c'est un modèle. Ouais. Mais là, t'as mon McGregor qui arrive par en arrière, puis qui dit, tu sais, mais tu sais, c'est un sport de bombe, je veux dire. Ben, la boxe, c'est un sport de bombe. C'est comme n'importe quoi. T'as le football, tu peux avoir des tatas, t'as n'importe quoi. C'est le reflet de la société, quoi, là. Ouais, mais moi, je pense. Écoute, moi, je me dis une chose, là. Je vais être prudent dans ce que je vais dire, mais tu sais, un bum, il y en a souvent qui, on a vu ça dans le passé, qui pour canaliser leur violence puis leur mauvais comportement, se sont mis à faire de la boxe puis des sports de contact. Puis il y a souvent eu des champions de là. Il y en a qui ont été transformés, puis il y en a malheureusement qui sont restés bums. Puis ça a donné des fins de carrière atroces. Puis même chose au football. Au football, tu vois souvent, le cas est différent un peu. Mais au football, là, souvent, ils vont prendre un gars de la rue qui est tout croche. Ouais. Ils l'amènent à l'université. Tu sais, puis là, il essaie de sortir de ses rangs tout croche. Puis là, le gars, il fait son stage universitaire. Après ça, il s'en vient dans la NFL. À un moment donné, il est tout croche, il en vient autour, puis le gars revient mal. Tu sais, c'est dur des fois sortir de la vraie nature de quelqu'un, puis moi je pense encore qu'un bum, ça peut être. Parce que tu sais, ceux-là qui font du trouble dans les rues puis tout, c'est des fighters pareil. Je sais pas que c'est du bon monde, mais ça reste des fighters. Fait que tu sais, si le gars peut t'amener de la rue vers un ring ou un octogone, puis devenir un champion, moi je pense que oui, ça peut arriver. Mais faudrait que le gars soit, tu sais, restable après et tout, puis que tu sais, je veux dire. t'as une leçon là, mais McGregor, oublie ça, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Non, non, il n'y a rien à faire avec ça. Puis je te parlerai d'une déception aussi, parce que j'appelle pas ça... Je pense que le gars n'est pas de mauvaise foi, je te dirais que c'est plus un oubli. J'ai reçu le livre Baseball PQ, Marc, qui va sortir très très bientôt. Je l'ai reçu en primaire. Je ne sais pas si tu l'as reçu à Radio X, toi. C'est un livre d'à peu près 300 pages sur l'histoire du baseball au Québec. Et on parle beaucoup des Royaux de Montréal. On parle beaucoup également des expos, surtout des expos avec de très très belles photos. D'histoire, pas un mot sur les capitales de Québec. Est-ce qu'on parle? Parce que tu l'as lu, Danny? Ben, je ne l'ai pas lu, là, parce que il y a beaucoup de photos, mais les capitales de Québec, Michel Laplante fait partie, les capitales font partie de l'histoire du baseball au Québec. Je suis un peu d'accord avec toi, mais on parle-tu des clubs écoles, des Reds à Trois-Rivières? On parle des Royaux, on parle de Jackie Robinson et des Expos. Mais si tu parles des Royaux, tu dois parler des capitales, tu dois parler de... Parce que on parle-tu des carnavals de Québec où Gary Carter a joué à Québec dans non. le club d'école? Non. Appelle ce livre-là Montréal Baseball, that's it. Ben, c'est ça, Montréal Baseball, puis Marc Defoy, c'est lui qui a écrit le livre. Marc Defoy, écoute, quelque part... mais c'est parce que moi, je dis pas que c'est de mauvaise foi, parce que moi, j'ai l'impression que quand tu viens de Montréal, tu penses qu'il y a juste Montréal qui existe. Tandis que quand tu viens du Québec, ben, tu as une vision du Québec, Montréal et le Québec. Et le baseball au Québec, c'est pas juste Montréal. Les capitales de Québec, c'est un très bon point que tu me l'as dit, puis j'avais même pas pensé à ça. J'ai tiqué sur les capitales de Québec. Ouais. Parce que Michel Laplante, écoute, quand les expos sont partis, là, rappelle-toi, le baseball au Québec, c'était mort. Là. Michel Laplante et les capitales de Québec se sont battus pour faire revivre le baseball, puis c'est quasiment une traversée du désert. Et ça a commencé... On parle même pas de quand Éric Gagné est arrivé avec les Capitals en 2009. Ça aurait été quoi de le souligner? C'est là que la relance du baseball s'est partie. Mais les Capitals de Québec ont gagné quand même plusieurs championnats dans une ligue de broche à foin, mais ils l'ont gagné pareil. Et Michel Laplante est un personnage qui fait partie de l'histoire du baseball au Québec, puis on n'en parle même pas. Juste le dôme qu'ils ont à Québec actuellement, là... Peux-tu dire qu'il va sortir des joueurs de... Le dôme qui ont fait ce stade Québec, là, il va sortir des joueurs de baseball, parce qu'on joue au baseball à l'année, là. Ben oui, puis il en sort déjà. Mais tu sais, je veux dire, si à la base, ils vont même pas parler de Thetford, de Trois-Rivières à l'époque, puis de... Oublie ça, là, je veux dire, c'est... Parce que tu sais, les capitales, pour moi, ben oui, ça a sa place dans un livre, mais c'est tellement récent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais ça fait partie de l'histoire pareil. Mais t'as très bon point que j'avais pas parlé. J'avais même pas pensé à ça. J'ai tiqué dessus des capitales. Mais Stedford a eu de baseball. André Dawson n'a pas joué aussi dans le 2A. Il y a eu un club 2A dans les années 70, des expos. Ben, je sais que Carter a joué à Québec, avec les carnavals de Québec, au stade municipal. Ça, je sais ça. Mais tu sais, j'étais pas né ou j'étais très jeune. Mais il y a eu ça, là. Ça, c'est pas tout le monde qui sait ça. Si ça, c'est pas dans le livre, là, ben là, appelle ton livre Montréal Baseball. Les Red Sox de Boston, tu savais-tu qu'ils ont appartenu à un gars de Lévis? Non. Au début des années 1900. Ben, c'est dans le livre, ça, j'espère. Non. Non. Fait que je vais faire l'entrevue avec Marc Defoy, mais Marc, je suis convaincu que le gars, il n'est pas de mauvaise volonté, là. C'est juste une question que le gars, vision russe de Montréal, puis il pense qu'il y a juste Montréal qui existe. Mais non, mais c'est pas juste ça, là. Ben non, il y a eu du baseball ailleurs dans la région. Au Québec? Même au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Il y a eu une ligue senior à une année, puis j'en entends souvent parler par des seniors de cette ligue-là. Ouais. Dans les années 70-60, puis il y a même des joueurs du baseball majeur qui ont joué au Saint-Michel-de-Meuse, là. Ah oui, ok, je savais pas ça. Oh, oui. Non. Ça, Phil Degarné pourrait te le dire mieux que moi. Là. Ouais. Mais, il y en a eu. Ruben Gomez, son nom, je pense. OK. Mais, moi, j'ai pas connu cette époque-là, mais je n'étais même pas né. Ouais. Mais il y en a eu, là. Puis c'était plein. Il y en a eu du baseball au Québec. Il y a eu une certaine tradition de baseball au Québec. Là. Fait que. Hey, en terminant, Marc, je veux te parler d'NFL. Ouais. Je veux te parler de ta division parce que, tu sais, comment tu étais un fan des Bengals. Les Browns de Cleveland, là, c'est bien beau tout ça. Être à partir des Browns, je suis excité. Mais j'ai l'impression que ça va sortir. Il y a tellement d'ego là-dedans, hein, que je suis pas sûr du tout du résultat à la fin de la journée. J'ai le même réflexe. j'ai la même réflexion. Ouais. Là, c'est bien beau que je suis un fan des Bengals, mais je déteste pas les Browns. Ouais. On va se parler franchement. Là. Mais tous les ingrédients sont là pour une belle dizaine dans le vestiaire. Ouais. Ça va prendre des coachs. Ça va vraiment prendre des coachs. Excuse l'expression, ça accroche. Ouais. Sinon, tu vas l'échapper, là, c'est sûr, parce que cette équipe-là pourrait se ramasser, là, je serais pas surpris, tu sais, genre, tu sais, 2-6 au début de saison, ça me surprendrait même pas, tu sais, je veux dire, puis moi, honnêtement, l'approche des Browns, j'ai rien contre ça, faire des transactions, puis aller chercher des gros noms, sauf que, moi, c'est drôle, hein, avec un jeune Baker Mayfield, puis Baker Mayfield, il donne pas sa place non plus, lui, dans le parc d'égo, là, il donne pas sa place non plus, non, puis c'est drôle, puis entre lui, puis Odell Beckham Jr., là. J'espère pour les fans des Browns, ça va bien aller. Qui s'est suspendu, lui non plus, c'est pas... Hein? Moi, j'aurais aimé ça, qu'on garde nos choix. Ouais. Puis qu'on développe, tu vas chercher un ou deux bons agents libres, tu sais, d'impact, là. Ouais. Puis tu te bats avec des choix tranquilles. Tu sais, ils ont l'équipe pour ça, mais... Comme les Titans du Tennessee ont fait, des acquisitions pas spectaculaires, mais payées des acquisitions intelligentes qu'on appelle, on a renforcé notre ligne à l'attaque. Sachez qu'un Lake, l'ancien des Lions de Combe-Britannique, qui était avec les Dolphins, Colonel Lake, tu sais, c'est rien de spectaculaire, mais c'est ça. Fait que... Quand, t'sais, moi, je veux dire, on a fait pour les ventes de billets de saison, c'est extraordinaire à Cleveland, là. Même avant ça. Ouais. Même sans ça, je suis sûr que ça aurait été très bon. Mais, tu sais, je veux dire, les Browns, j'ai hâte de voir. Tu sais, souvent, les équipes, quand tu frappes des gros circuits comme ça en saison, même dans tous les sports, ça se ramasse des fois flop un peu. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir avec ça. Là. Ça risque d'être intéressant, tu sais. Je veux dire, les Browns, en partant, là, avec tout ce qu'on a vu, ils partent favoris pour remporter la division Nord. Là. Ça, c'est sûr. Oui, ils partent, mais ça risque de virer en flop. Terrible, du coup. Ben, c'est pas. Ça va dépendre de l'encadrement. Ouais, Marc, gros, merci. On s'en reparle très, très prochainement. Marc Diquet de Radio X.